Les experts posent la question suivante: comment un vaccin présentant de tels défauts peut-il être utilisé? En janvier 2022, cinq professeurs de chimie renommés ont écrit une lettre ouverte à M. Sahin, le fondateur de BioNTech. La lettre contient des questions sur l'assurance qualité, les ingrédients et les effets secondaires du vaccin Comirnaty, ainsi que sur les additifs contenus dans le vaccin avec ARN messager. En effet, ces derniers ne sont pas autorisés chez l'homme, car les tests sur les animaux ont montré qu'ils étaient cancérigènes. De même, la description d'une substance grisâtre qui indique une impureté est douteuse. Ils veulent savoir pourquoi des effets secondaires graves apparaissent avec certains lots et si un contrôle indépendant est effectué à ce sujet. Jusqu'à présent, BioNTech n'a pas donné suite aux demandes des signataires. Jörg Matisik, professeur de chimie analytique à l'Université de Leipzig, déclare: « En tant que chimiste, nous n'avons pas l'impression que ce produit puisse être utilisé actuellement comme vaccin de masse ».